je me serais vu en chanteur de jazz. Mais j'aurais bien aimé savoir jouer d'un instrument. Parce que pour l'instant c'est pas le cas. Parce que pour l'instant c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. J'aurais bien aimé un jour être musicien de jazz. Bah c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. J'aurais bien aimé en avoir la voix à l'autre con qui chante, qui chantait des chansons. Eh oui. Alors, je sais pas jouer, mais c'est pas grave, parce que j'ai un ordinateur qui joue de la musique pour moi, alors ça me rend débile, comme ça. Ah ouais, c'est génial. Oh oui. Oh oui. Oh, je suis trop fort. Oh, je sais jouer. Tacos, tacos. Tacos, burritos. Tacos. Tacos. Tacos, burritos. Muchachos. Tacos. Muchachos. Muchachos, burritos. Tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos, tacos. Burritos. Burrito. Taco. Taco. De faire peur, il y a beaucoup de tacos et de burrito. Burrito, burrito, taco, taco. Tacos, tacos. Burritos, burritos. Tacos, tacos. Burritos, burritos. Muchacho. Ay, ay, ay, ay. Ya, sopa, sopa. Tacos, burritos. Oh. J'aurais bien aimé savoir jouer de la musique, mais vous voyez bien que je sais pas. Et voilà, c'est la fin de la chanson, ça finit comme ça. Voilà, ça finit là. Bon, bah, pas tout de suite. Tout de suite, 5, 4, 3, 2, 1, 0.